Bon, aujourd'hui, on va faire un nouveau refuge encore, qui s'appelle le refuge du Galibier. On l'a déjà fait l'été, mais on n'a jamais fait en hiver. Donc, on est parti pour aujourd'hui la version hivernale du refuge du Galibier. Bon, on a été moins con que la dernière fois. On a pris des raquettes. Mais il te fait une chaleur, mon Dieu. C'est dingue, là. Eric, t'es en t-shirt, non? Ah, Eric, hein? T'es en t-shirt? Ouais, en t-shirt à manches courtes. T-shirt à manches courtes pour Eric. Moi, j'avais pas de t-shirt à manches courtes, mais je suis en manches longues. Mais en fait, c'est marrant parce que le ciel est voilé, couvert, mais le soleil perce quand même, et il y a trois flocons qui tombent de temps en temps. Il fait très bien, même à l'arrêt. Ouais, en fait, c'est un temps humide, quoi. Allez, va, continue. Bon, là, on est encore arrêté. En fait, il fait vraiment très, très, très, très chaud. Et en fait, on est sur l'ancienne route du col du Galibier. Mais nous, on ne suit pas la route, on fait des traversées, on la croise de temps en temps. Arrêtez, pause. Bon, là, on est en vue du refuge. En fait, la première partie est relativement difficile parce que ça grimpe pas mal. Et là, Eric, il va me montrer avec le bâton. Pour voir après, qu'est-ce qu'il reste à monter. Vas-y, lève un poil. Mais il est là. Ok, donc ça fait une pente assez douce. Et à vol d'oiseau, estimation moins d'un kilomètre. Ouais, donc je pense qu'on y sera comme prévu. Bon, maintenant, Ri m'a dit qu'on est dans la brume. Et on voit plus rien. Après la plage, nous voici dans le brouillard. Le brouillard brume épaisse, quoi. Bon, c'est la galère. Bon, on n'est pas loin, mais en fait, on voit toujours rien du tout. On entend des voix. Qu'allez-vous dire ? Entre eux qui voient à 10 mètres et moi qui ne vois pas. En fait, ce qu'on a peur, c'est que ça skie pas mal autour de nous. On n'a pas envie de se faire prendre un skieur en plein. Et là, on entend parler des gens qui sont, je pense, à moins de 20 mètres, mais on ne les voit pas. Bon, ça y est, on est arrivé au refuge. Et devine devant quoi on est là, pour le coup ? Une bonne biripéa. Et le patron, il est sympa trop. Il nous a mis des cacahuètes. Et ça, ouais. C'est une bonne arrivée, ça. Voilà. Bon, on vient de manger au refuge du Galibier. Bon, c'est pas un refuge comme on connaît d'habitude. Hein. Ça fait plutôt bistrot et même les propositions au menu, c'est des burgers et tout ça. Mais c'était très très bien. Et comme je disais tout à l'heure, on a eu une bonne bière et une IPA du Galibier avec même des cacahuètes. Donc ça, c'est top. Mais là, je sais pas si on va regarder les desserts. Et puis après, on va redescendre. Ouais. Bon, voilà, on a fini de manger, on est en train de remettre les raquettes, et là, le ciel est dégagé. Donc, à mon avis, la descente va être top, top. Bon, là, on a commencé à redescendre, c'est beaucoup plus simple, peut-être, mais la visibilité, ça fait un peu jour blanc, du coup, les reliefs sont pas... Eric a un peu de mal avec les reliefs, mais on y voit quand même, on a plus de visibilité que tout à l'heure. Et là, Eric est en train de faire une photo que vous allez recevoir bientôt, avec une vue plus à droite sur le col du Lautaret, j'irai. Sur la vallée de Sercheux. Et après, sur la vallée de Sercheux, mais c'était à gauche, ça, toi, ou face à toi. Et en fait, on domine le col du Lautaret et la vallée de Sercheux-Vallier. Les Alpes du Sud, quoi. Pause, bouton, arrêtez. Bon, voilà, la randonnée est finie. Oh, on est rentré, il n'est pas trop tard, c'est bien déjà. Hein, parce 3h30. 3h30, on a mis une petite heure, une grosseur pour descendre. C'était relativement cool, la neige était un peu merdique, mais ça a été. Et puis ça fait le bilan de la sortie, pas loin de 11 km, un peu plus de 10 en tout cas. Et plus de 700 mètres de dénivelé, 710 mètres de dénivelé. Voilà, le point le plus haut, c'était donc le col du Galibier, puisqu'on a fait involontairement le Galibier, mais c'était prévu quand même dans la journée, mais vu que le refuge, on est passé à quoi, 50 mètres, 100 mètres peut-être. À 50 mètres du refuge. À 50 mètres, mais sans le voir, du coup on a continué, et c'est en mettant le GPS qu'on a vu que le refuge était plus bas que nous, donc du coup, et puis en voyant le panneau, surtout col du Galibier, quoi. Mais c'était super. Voilà, voilà. Allez, à une prochaine fois.